بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن أيها الإخوة في درسنا 33 في هذه السلسلة في شرح أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. On entame aujourd'hui le 33e cours dans l'explication de cette série, l'explication de Usul al-Iman de l'imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. فقد تكلم المؤلف سابقا عن حملة العرش وعن جبريل وعن ميكائيل. L'auteur a parlé précédemment des anges qui portent le trône. Il a aussi parlé de Jibril, de Mikaïl. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ساداتهم إسرافيل وهو أحد حملات العرش وهو الذي ينفخ في الصور. Et ensuite après cela l'auteur il nous dit رحمه الله et il y a parmi leurs leaders Israfil, c'est-à-dire parmi les leaders des anges, il y a parmi eux Israfil et c'est un de ceux qui porte le trône et c'est celui qui souffle dans la trompe. وروى الترمذي رحمه الله وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Et ensuite l'auteur il continue et il dit et certes At-Tirmidhi ainsi que Al-Hakim ont rapporté selon Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, en sachant que At-Tirmidhi là a jugé ce hadith hasan. Et donc Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Comment puis-je être joyeux ?» Alors que celui qui détient la trompe a placé la trompe en position pour souffler. Certains savants qui nous disent qu'il a donc placé le bout de la trompe à l'intérieur de sa bouche. Et il s'est incliné. Il écoute avec attention. Il attend quand est-ce qu'on lui ordonnera afin qu'il puisse souffler. Il dit, ô messager d'Allah, que devons-nous dire? Alors, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dites, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Et quel bon garant. Alallahi tawakkalna. C'est en Allah que nous mettons notre confiance. C'est en Allah que nous mettons notre confiance. Subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara al-mu'allif huna anna Israfil min sadat al-mala'ika. Et donc l'auteur ici, il nous cite que Israfil, il fait partie des leaders parmi les anges. Wa hadha la shakka fi. Et certes, cela, il n'y a aucun doute là-dessus. كما رأينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. Et donc il n'y a aucun doute sur cela, comme on l'a vu dans le hadith de Aïcha رضي الله عنها qui nous cite que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il se levait, lorsqu'il priait durant la nuit, il commençait la prière en disant ô Allah Seigneur de Jibril, de Mikaïl, de Israfil. On a déjà abordé ce sujet. Pourquoi est-ce que ces trois anges ont été cités? C'est par rapport à leurs mérites. Les mérites qu'ils ont et les faveurs qu'ils ont par rapport aux autres anges. Wa dhakara al-mu'allif aydan anna Israfil min hamalat al-arshi. Wa huwa sayadhkur ad-dalil 'ala dhalika fima ba'd. فنحن كذلك نؤخر الكلام على هذه المسألة إلى ذكر دليلها. Et donc l'auteur, il a aussi cité qu'Israfil fait partie des anges qui portent le trône. Et l'auteur, plus tard, un peu plus tard, il cite la preuve. Et nous aussi, on va donc aborder ce sujet un peu plus tard, au moment où on va aborder la preuve que l'auteur a citée, Inch'Allah ta'ala. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. Ensuite l'auteur رحمه الله il cite que Israfil c'est celui donc qui souffle dans la trompe. وذكر الحديث الدال على ذلك. Et il a aussi cité le hadith qui montre cela, qui prouve cela. وهذا الحديث أقصد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الذي قرأته قبل قليل ليس فيه أن إسرافيل هو ملك الموت أو هو الملك الذي ينفخ في السور. Et certes ce hadith, c'est-à-dire le hadith de Abi Sa'id al-Khudri que j'ai lu précédemment, il n'y a rien dans ce hadith qui montre que c'est Israfil qui souffle dans la trompe. Je vais le relire, inshallah ta'ala, ce hadith. Et donc Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit كيف أنعم, comment puis-je être joyeux alors que celui qui possède la trompe l'a placé dans sa bouche, celui qui possède la trompe l'a placé en position pour souffler. Et certes il s'est incliné et écoute avec attention, il attend que l'ordre lui soit donné afin qu'il souffle. Il dit, que devons-nous dire ô messager d'Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dites hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Naam. Et donc comme vous avez pu le remarquer, il n'y a rien dans ce hadith qui montre que celui, cet ange qui va souffler dans la trompe, cet ange qui a donc placé la trompe en position pour souffler, cet ange qui attend qu'on lui ordonne et qui écoute avec attention, il n'y a rien dans le hadith qui nous montre que c'est Jibril, que c'est Israfil, alayhi salam. Bel, laysa hunaka dalilun sahihun ala anna Israfil huwa alladhi yanfukhu fi s-sur. Et plus que cela encore, en réalité, il n'y a pas de preuve authentique qui montre que c'est Israfil qui souffle dans la trompe. Lakinna akthara ahli al-ilmi ala hadha. Cependant, la grande majorité des gens de science sont sur cela. Donc ils disent cela. Ils disent que Israfil, c'est celui qui souffle dans la trompe. Qui soufflera dans la trompe. لذا نسمع كثيرا من أهل العلم أن هؤلاء الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أفضل الملائكة فإنهم موكلون بالحياة. Et c'est pour cela qu'on entend de beaucoup de gens de science que ces anges-là, ces trois anges, Jibril, Mikaïl, Israfil, ce sont les meilleurs anges car ils sont les anges qui sont chargés de la vie. Ce sont les anges qui sont chargés de la vie. فَجِبْرِيلُ مُوَكَّلٌ بِالْوَحْيِ الَّذِي فِيهِ حَيَاتُ الْقُلُوبِ. Et donc Jibril, il est responsable de la révélation. De transmettre la révélation. Et cette révélation, la révélation donc de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, est aussi, donc, il y a dans cette révélation la vie des cœurs. Il y a dans cette révélation la vie des cœurs. Wa Mikaïl muwakkalun bil matari wa nabatat wa fi hadha hayatul abdan wal ard. Et Mikaïl, lui qui est responsable de la pluie, comme on l'a vu précédemment, et qui est aussi responsable des plantes. Et il y a en cela donc la vie des corps et de la terre. Wa Israfil muwakkalun bin-nafkhi fis-sur wa bihi taqumu as-sa'a. Et ils disent aussi donc les savants que Israfil, il est responsable de souffler dans la trompe et c'est par cela que il y aura as-sa'a, la fin du monde. Wa ba'daha وَكَذَلِكَ يَنْفُخُ فِي السُّورِ. Et aussi après cela, il va souffler dans la trompe. فَيُبْعَثُ النَّاسُ لِحِسَابِهِمْ. Et à ce moment-là, les gens seront ressuscités pour leur jugement, pour être jugés. Et donc, ils ont cité cela, les savants, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde, montrant donc que Israfil est celui qui est chargé de souffler dans la trompe. لكن بعد التحقيق ليس هناك دليل على هذا والله أعلم. Cependant, après vérification, il n'y a pas de preuve donc qui montre cela, comme l'ont dit aussi plusieurs des gens de science, et Allah tabaraka wa ta'ala est le plus savant. وفي حديث أبي سعيد ما يدل على قرب الساعة ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الساعة. Il y a aussi dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu, ce qui montre la proximité de la fin des temps. Ce qui montre que l'heure est proche. Et certes, parmi les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Nabi Yus-Sa'a, le prophète de l'heure. Le prophète de l'heure, c'est-à-dire le prophète de la fin des temps. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Tu ne sais pas. Il se peut que l'heure soit proche. Il se peut que l'heure soit proche. Fal muslimun yu'minun bi qurbi as-sa'ati wa annahu la nabiyya ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lakinnahum la yaqa'una fima waqa'a fihi ba'd an-nasara min tahdid waqtin mu'ayyan lis-sa'a. Et donc les musulmans croient fermement au fait que l'heure soit proche et qu'il n'y a pas de prophète après le nôtre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, les musulmans ne tombent pas dans les mêmes erreurs dans lesquelles sont tombés certains chrétiens lorsqu'ils ont donné une heure précise, lorsqu'ils ont délimité cette heure, donc la fin des temps. وَهَؤُلَاءِ قَدْ فَضَحُوا أَنفُسَهُمْ وَبَيَّنُوا لِلنَّاسِ بُطْلَانَ دِينِهِمْ. Et certes, donc, il n'y a que Allah tabaraka wa ta'ala qui connaissent l'heure de la fin des temps. Ces gens-là, qui ont soi-disant donné une limite, un moment précis à la fin des temps, ces gens-là se sont dévoilés eux-mêmes et ils ont montré aux gens de façon apparente l'aspect caduque de leur religion. كما أن في الكتاب المقدس ما يدل على أن الساعة كان من المفروض أن تأتي قبل انقراض قرن الذين حضروا مجلس عيسى عند الحاكم. عند الحاكم لكنهم ماتوا ولا ساعة فهذا من الأدلة على بطلان دين النصارى وأن كتابهم محرف فالحمد لله الذي هدانا للإسلام. Et donc ces gens se sont dévoilés eux-mêmes comme on l'a cité et ils ont montré de façon apparente le caractère caduque de leur religion. Et comme on peut constater aussi dans la Bible, il y a un passage qui montre que la fin des temps, que l'heure de la fin des temps devait se produire avant que ne disparaisse la génération de ceux qui ont assisté au jugement de Isa, alayhi salam. Cependant, ils sont morts. Ceux qui ont assisté au jugement de Isa, ils sont morts. Leur génération s'est éteinte. Et il n'y a pas eu de fin du monde. Fahada, et donc cela fait partie des grosses preuves, des preuves évidentes montrant le caractère caduque de la religion des chrétiens et aussi montrant que leur livre, la Bible, est un livre qui a été falsifié. Et donc toutes les louanges reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a guidés vers l'islam. Nous devons remercier Allah tabaraka wa ta'ala jour et nuit pour cette guidée qu'il nous a accordée, cette faveur qu'il nous a accordée et qu'il n'a pas accordée à tous. Il nous a guidés vers l'islam. Falhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma, shara' al-mu'allif rahimahullah fi dhikri dalili ala anna Israfil min hamalat al-arsh. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a commencé à citer le dalil, la preuve, montrant que Israfil fait partie des anges qui porteront le trône. Il dit l'auteur, rahimahullah, an Ibn Abbas, radiallahu anhuma, anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, a qal, إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا رواه أبو الشيخ وأبو النعيم في الحلية. Et donc ensuite il continue l'auteur, rahimahullah, il va donc nous citer la preuve qui montre que Israfil fait partie des anges qui portent le trône. Il dit donc, selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a certes un ange parmi ceux qui portent le trône. Il est appelé Israfil. Un des coins du trône est sur son épaule. Certes, ses deux pieds sont plantés dans le sol de la terre, de la septième terre la plus basse. Et sa tête est sortie du septième ciel le plus haut, rapporté par Abu Shir ainsi que Abu Nu'aym dans son livre Al-Hiliya. Ayyou al-Ikhwa, Rawi al-Hadith an Ibn Abbas radiallahu anhuma. هو شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد ذكرناه سابقا. Et donc, oh mes frères, le rapporteur, celui qui rapporte le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, son nom c'est Shahr ibn Hawshab. Et lui, on a déjà parlé de lui, Shahr ibn Hawshab, et on avait cité déjà donc qu'il était ضعيف, il n'était pas fiable, سيء الحفظ, qu'il a une mauvaise mémorisation. فالحديث ضعيف لا يصح. Et donc le hadith est faible, il n'est pas authentique. ثم قال المؤلف رحمه الله. Et donc aussi donc on comprend de cela aussi donc les frères, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de preuve qui montre que Israfil c'est l'ange qui porte le trône. ليس هناك دليل على ذلك. ليس هناك دليل صحيح على أن إسرافيل من حملة العرش. Il n'y a pas de preuve authentique qui montre que Israfil fait partie des anges qui portent le trône d'Allah تبارك وتعالى. Ensuite l'auteur رحمه الله qui nous dit وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. Et سيد أبو الشيخ a rapporté selon l'Auza'i رحمه الله qui dit il n'y a pas parmi les créatures d'Allah une créature qui est un meilleur son que Israfil. Lorsque celui-ci commence à faire le tasbih, il coupe donc la prière et le tasbih des gens des sept cieux. Wa fi hadha al-hadith alladhi dhakarahu al-mu'allif rahimahullah ishkalat. Il y a plusieurs problèmes dans ce hadith qu'a cité l'auteur rahimahullah. Minha anna al-Awza'i ليس صحابيا ولا تابعيا. Premièrement, il y a le fait que le Al-Awza'i, celui qui nous rapporte cela, il n'est ni un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'est pas non plus de la génération des tabi'in, ceux qui viennent après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu après cela. Fal isnad munqati'un. Et donc la chaîne de transmission a une rupture. وأيضا في الإسناد رواد ابن الجراح وهو ضعيف. Il y a aussi dans la chaîne de transmission un narrateur qui s'appelle رواد ابن الجراح et il est faible, il n'est pas fiable. فالحديث ضعيف. Et donc ce hadith aussi est faible. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ساداتهم ملك الموت ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل والله أعلم قاله الحافظ ابن كثير. Ensuite l'auteur رحمه الله il continue en disant il y a parmi leurs leaders, donc parmi les leaders des anges, il y a l'ange de la mort. Et certes, son nom n'a pas été cité de façon claire dans le Coran ni dans les hadiths authentiques. Et certes, il y a certains textes, certains athar, donc des paroles de ceux qui viennent après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit parfois des athar, des paroles des compagnons, parfois ceux qui viennent après. Et donc, il y a certains athar qui citent que son nom c'est Israël ou Azraïl. Et Allah est plus savant. Donc le cheikh finit en nous disant, et Allah est plus savant, et cette parole a été dite par Al-Hafidh ibn Kathir. Et donc ici l'auteur qui nous montre que cette parole c'est Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah qui dit cela, كما قاله المؤلف رحمه الله لم يصح شيء في تسمية ملك الموت وذكره في القرآن ملك الموت فنكتفي بذلك. Et donc comme l'a dit l'auteur, il n'y a rien qui a été rapporté de façon authentique dans la citation du nom de l'ange de la mort. Et il a été cité dans le Coran comme étant l'ange de la mort. Et donc nous nous suffisons de cela, nous allons dire l'ange de la mort, comme cela a été cité dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukila bikum » dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous, vous donne la mort. » L'ange de la mort qui est chargé de vous, vous donne la mort. Et donc voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va se suffire de cela pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah, on continue toujours ce sujet sur les anges. Donc dans ce livre très important, Usul al-Iman, de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. On demande à Allah azza wa jal de lui faire miséricorde et de faire miséricorde à nos savants, aux savants de la communauté, les vivants comme les morts. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'unir les musulmans sur la vérité et de les secourir dans tout pays. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.